Oh trésor que j'aime, mon chou à la crème. Toi mon puits d'amour, je t'aimerai toujours. Et ta lèvre exquise comme une cerise me redit au bal et moquer me laisse baba. Loco, loco, que j'ai de plaisir à savourer. Loco, loco, la douceur de tes baisers sucrés. Et quand je vois ta peau dorée comme un rayon de miel, je vois un univers où tout serait en caramel. Locum, locum, locum. Tes yeux d'angéliques ont l'air diaboliques, quand soudain plus clair ils lancent des éclairs. Mon poisson de lune, toute ma fortune, c'est ton pied mignon au creux de ton petit chausson. Loco, loco, que j'ai de plaisir à savourer. Loco, loco, la douceur de tes baisers sucrés. Et quand je vois ta peau dorée comme un rayon de miel, je vois un univers où tout serait en caramel. Loco, loco, loco, que l'éternité me laisse goûter le parfum sucré de ta volupté.